Vacances, gain de plaisir, ça c'est y'en bagaille que le passant comprend. Tout le monde peut aller dans bal, dans le cinéma, dans toute belle champêtre. Au contraire, belle timon, on fait dire à verre ou danser bloqué. Pas de jambes gagnant, et pour qu'on cap égalé, pour le vacances. Dans le cinéma, dans toute belle champêtre.